Moi, je dis zut à l'azote, ON visigote, zut au mazout, à knock le zout et puis un zut, tiens j'en rajoute. Moi, je dis un triple zut, au cinglé du bizut, zo résultat. Zéo quota, t'es pas quota, alors casse-toi. Moi, je dis zut aux zélateurs, condé con zélateurs, qui te mettent au froid. Pendant des heures, zut aux effrois, vive les zuteurs. Moi, je dis zut aux balèzes, qui se font du fric à l'aise, zut à leur pèse. Ainsi qu'aux flous et aux barbous et aux partouzes. Moi, je dis zut aux égaux, zozo zézigoto, zéto tout à l'égout, zo matière de bon goût, zut à zézou et aux zazou. Moi, je dis zut au gazon, qui bouge notre horizon, et puis zut aux idoles, zut au visage, au dégazage du gazole. Moi, je dis zut aux résidus, de fioul jusqu'à Vézoul, zut aux zinzins d'Amazonie, et zut tiens aux zizanies. Moi, je dis zut aux zappings, aux zonards de camping, zut aux clonards, aux mozigotes, qui fabriquent de zarbi zombies. Moi, je dis zut aux zoophiles, aux antipédophiles, aux frédophiles, qui se défilent au niçois le Sarkozy. Moi, je dis zut aux réseaux, mais pas zut aux oiseaux, pas zut à Za, Shilzavata, pas zut au tic, zygomatique.